Thank you. maman, maman, maman. Allez, viens avec ta batterie. And we're gonna baby gonna get a good myself in Jérusalem, Rastafari. Est-ce que tu as le reggae dans les mains? Est-ce que t'as la fibre Rastafari? Allez, va jouer avec moi. J'te remets les percussions pour t'aider. J'te remets les percussions si ça peut t'aider. J'enlève la basse pour celui qui veut jouer. T'as compris le reggae, man. C'est un peu décalé au niveau de la drum. C'est un peu décalé au niveau de la drum. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est rentré dans ton cerveau? Est-ce qu'il te faudra fumer un peu plus? Retrouver le Rastafari. Oh, mama, mama, mama, mama. Babylon song. Alors j'enlève la basse. Et je laisse juste l'orgue. Allez, à toi, basse. La batterie faut juste décaler un peu. Voilà, c'est comme ça. Allez, je veux entendre la basse. Et moi je vais aller faire un petit goûter Rastafari. Un petit goûter Rastafari. Purée. Je remets la batterie. Pour la basse, ça y est, tu as tout compris. Je sens que la basse, elle a tout compris. Le Rastafari song. Les guitares, c'est presque ça. Le son du reggae, c'est pas facile. Le son du reggae, c'est pas facile. Mais quand tu l'as adopté, thank you. j'aime. Je te laisse juste les percussions. Est-ce que t'entends les percussions? Je te laisse juste les percussions. On a perdu le batteur. Il s'est fait éjecter du serveur. Peut-être un problème.